Présumé coupable mais à culpa. La rage se déverse mais ne coule pas. Direct inculpé comme un coupable. Leur coup de matraque ou leur coup bas. En tout cas je reste radical, révolté et meutier comme Attica. On vient revendiquer plus qu'un syndicat. On n'a pas limité, on est l'ennemi de l'État. Juste parce qu'on est des terres, des flics y'en a des tas. Ils nous font la guerre, on subit les dégâts. Lâche on la déterre, à pas jouer au quoi. Tu sais qu'on est vénère et tu sais bien qu'il y a de quoi. Gars, on sait que nos vies dérangent. Les flics arrivent vite donc on fait le vide des ranges. Y'a ceux qui tombent et y'a ceux qui les vengent. On n'est pas des démons, pas non plus des anges. Flashball, taser, lance missile. Maladie socialement transmissible. On n'a pas les mêmes cocktails. Pour eux c'est BFM, flicaille et l'exomile. La dernière fois que j'ai été au McDo, c'était bizarre, y'avait plus de carreaux. La viande cuisée sur cocktail molotov. L'avenir était en plein making of. Les slogans qu'on a inscrits, on l'a pas fait exprès. C'est qu'on a de l'esprit et qu'on avait l'esprit. La rage contre ceux qui nous administraient. Mais ce qu'on retranscrit n'en est qu'un extrait. Il paraît qu'on est barré, qu'on en a rien à carrer. Qu'on mène une vie de taré. Bon pour l'HP ou la maison d'arrêt. Il paraît qu'on est barré, qu'on en a rien à carrer. Qu'on mène une vie de taré. Bon pour l'HP ou la maison d'arrêt. Présumé coupable mais à culpa. Beaucoup aiment se plaindre mais n'accourent pas. Lorsqu'il faut se joindre à un combat. Continue au mini et les coups bas. Résumé d'histoire, ça plaît ou pas. Où va l'énergie de ces gens-là. Dans les poches des riches et de l'État. Il n'est que la terre et de toutes parts. Partage le butin, fout le dawa. Qui politicard et qui loubar. Celui qui vit d'abus de pouvoir. Contre le désert vient la victoire. Spécial big up aux victimes. Qui dorment au pied des vitrines. Des commerces de la bourgeoisie. Qui passent leur temps en prix. Car le proc leur a tout pris. L'argent attise les jalousies. La souffrance elle s'alourdit. On s'organise Montreuil à Commercy. La dernière fois que j'ai été au McDo, c'était bizarre, y'avait plus de carreaux. La viande cuisée sur cocktail molotov. L'avenir était en plein making of. Les slogans qu'on a inscrits, on l'a pas fait exprès. C'est qu'on a de l'esprit et qu'on avait l'esprit. La rage contre ceux qui nous administraient. Mais ce qu'on retranscrit n'en est qu'un extrait. Il paraît qu'on est barré. Qu'on en a rien à carrer. Qu'on mène une vie de taré. Bon pour l'HP ou la maison d'arrêt. Il paraît qu'on est barré, qu'on en a rien à carrer. Qu'on mène une vie de taré. Bon pour l'HP ou la maison d'arrêt. Il paraît qu'on est barré, qu'on en a rien à carrer. Qu'on mène une vie de taré. Bon pour l'HP ou la maison d'arrêt. Il paraît qu'on en a rien à carrer. Qu'on est cramé, qu'on est taré. Bon pour l'HP ou la maison d'arrêt.